Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Encore un peu de musique gratuite cette semaine. Donc, on va débuter tout de suite avec un artiste portugais que j'adore. Il s'appelle Motown Junkie. C'est aussi le directeur du netlabel Phonotactics. Donc, vraiment une étiquette vraiment excellente. Il y a toujours des albums vraiment qui sortent de l'ordinaire. Donc, j'adore vraiment Phonotactics. Toujours plein d'albums surprenants. Donc, on va entendre la pièce de Motown Junkie qui s'appelle Flame Tongue. Ensuite de ça, sur le netlabel Black Lantern Music, c'est un netlabel qui est écossais, qui se spécialise dans le hip-hop expérimental. Donc, on va entendre Morphamish avec sa pièce Face the Darkness, Morphamish qui vient de l'Angleterre. C'est un peu de dubstep avec de la bass assez sale, merci. Ben c'est ça, on débute Web Music avec Motown Junkie. Thank you. C'était donc ben bad. C'était More Famish qui est publié sur Black Lantern Music. C'était sa pièce Face the Darkness. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Motown Junkie avec sa pièce Flame Tongue. On poursuit l'émission avec cette fois-ci Mr. and Mrs. Brian avec la pièce Humiliating de Distorted. Ça, c'est publié sur l'excellent net label Headphonica. Ensuite de ça, sur Scare Moments, c'est un net label suisse. On va entendre Dadiv avec la pièce Punition. Vous allez voir, vraiment excellent ça aussi. Welcome to my music room. Thank you. êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. Donc, une émission assez éclectique, comme vous pouvez le voir. On écoutait une pièce quand même assez brutale de Mr. and Mrs. Brian. C'était la pièce Humiliating de Distorted. Puis là, on vient tout juste d'entendre un peu de techno à tendance minimale par Dadiv. Donc, c'était sa pièce Punition. Je vous rappelle que toutes les pièces entendues à l'émission, vous pouvez les télécharger gratuitement. C'est vraiment simple, vous vous rendez sur le site de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez sur la page et vous pouvez consulter la playlist des émissions. Vous avez les liens donc qui vous permettent de télécharger toute cette bonne musique. On va poursuivre avec un collectif qui vient du Mexique qui s'appelle Nahuatl Sound System. C'est un collectif qui se spécialise un peu dans la musique à tendance Inca, mais repris au goût du jour. Donc, c'est la pièce Duban de Andeo. We'll be right back. heureux mélange de musique Inca avec un peu de dub. Donc, c'était Nahuatl Sound System, la pièce d'Uban de Addo. C'était Nahuatl Sound System, un groupe, un collectif qui vient du Mexique. Ben, c'est ça, on va faire une courte pause, puis je vous reviens tout de suite après. Attention, attention, auditeurs du 89.1, coup de chaleur radio à CKRL. Offrez-vous un t-shirt officiel de CKRL à 12$ au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de t-shirts seront offerts en alternance pour seulement 12$. Du 11 au 15 juillet, le vert. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e Avenue. À CKRL, l'émission Le Continental de François Tremblay, c'est comme qui dirait un tantinet pré-potron-minet. Le Continental, c'est une danse, c'est aussi un déjeuner assez copieux, mais Le Continental, c'est également l'émission matinale de CKRL. Avec ses actualités au quotidien, ses choix de sortie et ses chroniqueurs chevronnés. Animé par François Tremblay, du lundi au vendredi dès 7h, Le Continental... Seulement au 89.1. C'est quand même 89.1. C'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Vous écoutez l'émission Web Musique pour ceux qui viennent tout juste de se joindre. On va poursuivre l'émission avec Canil, un artiste parisien. Je vous fais passer sa pièce La Petite Aiguille. C'est publié sur le défunt Netlabel Petite et Jolie. Dommage, j'adorais ce Netlabel. C'était assez sympathique. J'espère que peut-être un jour ils vont ressortir d'autres albums. Ça serait bien apprécié. Ensuite de ça, c'est Pterodactyl Squad, un netlabel de l'Angleterre qui se spécialise dans la musique à tendance jeux vidéo. Je vais vous faire entendre le groupe Noise Waves avec la pièce Someone Unique. C'est Noise Waves viennent de Grand Rapids au Michigan. Vous allez voir, vraiment spécial comme pièce. Donc pour tout de suite à Web Music, on écoute Canil avec la pièce La Petite Aiguille. Beep! une proposition assez intéressante, un peu de musique tendance post-rock avec donc un peu de 8 bits au travers de ça. C'était Noise Waves avec la pièce Someone Unique. C'était publié sur Pterodactyl Squad, un net label qui vient de l'Angleterre. Avant ça, ben c'était Canil avec sa pièce La Petite Aiguille. Canil qui vient de Paris, un artiste vraiment intéressant. Pour poursuivre Web Music, on va entendre encore un peu de 8 bits avec Disaster Peace, un artiste qui vient de la ville de Brighton au Massachusetts. Je vais vous faire passer sa pièce Neutral Morning. Ça, c'est publié sur Pause Music. Ensuite de ça, sur No Type, une étiquette montréalaise, c'est de Twombly Spiders, un groupe qui vient du Maine. La pièce s'appelle The Sunsetting on LaGuardia. Deux pièces vraiment excellentes à Web Music. Une très belle pièce des Twombly Spiders, excusez-moi, c'était la pièce de Sun Setting on LaGuardia de Twombly Spiders qui viennent du Maine aux États-Unis. C'était publié sur No Type, une étiquette montréalaise. Avant ça, un peu de 8 bits par Disaster Piece, un artiste que j'adore, que j'ai déjà vu en concert. C'est assez spécial à voir. Donc, c'était sa pièce Neutral Morning. C'était publié, ça, sur Pause Music. Pour la suite de l'émission, on va entendre une pièce assez spéciale de Ursula. C'est un artiste estonien. Sa pièce s'appelle Sailor. C'est un mélange de musique orchestrale, un peu de musique surf, un peu d'électro, un peu hip-hop. Une pièce assez spéciale. Ça, c'est publié sur Pulsation For You, qui est un sous-label de Dars Records. Mais avant ça, on va écouter Ornament, un artiste qui vient de la ville de Stourbridge en Angleterre. Je vais vous faire passer sa pièce tout de suite qui s'appelle « Heirs to Your History ». Pièce vraiment intrigante avec plusieurs styles musicaux mélangés, plusieurs influences. Donc, c'était l'artiste Ursula, un artiste qui vient de l'Estonie. C'était sa pièce Sailor. C'était publié sur Pulsations for You. Avant ça, c'était Ornament, un artiste anglais avec sa pièce Heirs to Your History. Une pièce également excellente. Donc, deux artistes que je suis bien content d'avoir découvert. C'est ça, je pense que ça va être tout pour Web Musique. On va se laisser sur une dernière pièce, mais avant, je vais vous rappeler que vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez à l'émission. Vous pouvez télécharger sur Internet de façon gratuite. Vous n'avez pas besoin de fournir de courriel où il n'y a pas d'attrape. C'est de la musique publiée sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez télécharger les pièces, partager avec vos amis, votre famille, collègues de travail, etc. Tout est légal. Donc, c'est ça, on va se laisser avec Bacchanal Intruder, un artiste espagnol. Je vous fais passer la pièce Peladela. C'est publié sur Zymogen, Netlabel, qui est italien. Donc, c'est ça, on se laisse là-dessus, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. D'ici là, amusez-vous.